vous plaît vraiment pas, vous pouvez changer. Oui. Oh non, ça m'énerve. Ah. Censure. C'est quoi, pseudo-psychologique. Ah, donc la première question ne convenait pas à madame. Ah, très bien. Ah. La science est-elle indépendante de la politique et ou des idéologies dominantes? Wow. La science est-elle indépendante de la politique? La science est-elle indépendante de la politique? Alors on va vous l'écrire, ça sera plus simple. Ah, on a déjà une intervention. C'est bien, merci, tu ouvres le bal. Je te remercie beaucoup. Alors moi je dirais clairement non, bien sûr. La science, mais ses applications sont... c'est même pas une question de politique, c'est aussi une question très culturelle. Si je réfléchis, la science considérait l'homosexualité comme une maladie, enfin selon le... Je sais plus comment s'appelait l'organisation, enfin c'était la médecine, jusqu'en 91. Du coup, oui, ça, c'est... La science et la politique, mais plus, sont très liées, mais plus que ça, la science et la culture, ouais, voilà. Je sais pas très bien m'exprimer, désolé. Voilà, si quelqu'un a quelque chose à dire. Enfin, je dirais presque que la science peut être archaïque à ce niveau-là. Merci. Alors, tu voulais répondre? D'accord. Donc, à cette question, savoir si la science est de la politique ou non, il faut juste ouvrir les yeux sur qui détient la science. C'est-à-dire que, bizarrement, on va voir que tel scientifique sera toujours de telle origine, tel machin sera toujours de tel pays, telle signature de tel droit sera toujours de tel... Donc, si l'on comprend que nous sommes 7 milliards d'êtres humains et donc 7 milliards de cerveaux, il est étrange que les avancées scientifiques arrivent toujours du même endroit. Donc rien que par cette étude, par ce regard, on peut voir que oui, la science est politique. Car je pense que nous sommes tous capables d'amener un plus dans le monde et dans l'existence de certaines personnes. Lorsqu'on parle par exemple sur la question est-ce que l'homosexualité est une maladie, groupe d'État va dire oui et tel autre groupe va dire non. Mais comme on va toujours écouter celui-là parce que au niveau politique il est plus puissant, au niveau économique plus fort, donc il a droit à la parole, il a droit à écrire un livre, donc on va dire tel scientifique non parce que la science, alors que c'est complètement de la politique. C'est non seulement de la politique mais c'est de l'économie, c'est-à-dire que plus un groupe d'êtres humains on a l'impression, on donne une pensée intelligente, on a l'impression que l'intelligence vient d'eux, et ben plus il va amener les regards de tous vers eux, et donc plus l'économie va se retourner dans leur direction, étant donné qu'ils seront les décideurs. Donc, je vais arrêter là parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent répondre, mais la science est à 100% politique, pour ne pas dire à 150%. Oui, alors juste pour préciser, en fait, Annie, la prochaine intervenante est arrivée, donc on va quand même laisser, il y a eu deux tours de parole, donc on va laisser vous terminer sur la question. Oui. Bon, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Effectivement, vous avez plus parlé d'un point de vue culturel. Bon, mais je crois que, en fait, où il faut s'interroger sur la dépendance des sciences vis-à-vis de l'idéologie, c'est quand même sur l'économie. Parce qu'à la limite, l'homosexualité, c'est pas gênant pour les capitalistes. Si vous consommez, si vous faites ce qu'il faut faire pour que leur système se perpétue, c'est pas un problème. Effectivement, l'idéologie sur l'anthropologie, par exemple, ou l'ethnologie, car je pense, pour avoir un peu discuté avec lui, que c'est là-dessus qu'il voulait parler, effectivement, il y a des écoles qui défendent, disons, des visions occidentales de la science. Mais je pense que où le problème est beaucoup plus grave pour nous tous, même si ça, ce n'est pas à négliger, ça fait partie des superstructures, c'est... c'est prouvé, hein, il y a eu des tas de journaux mainstream qui le dénoncent quelquefois, puisqu'il faut quand même garder la caution démocratique. C'est que pour la nourriture, pour la trash food, pour le cancer, d'où viendraient les causes du cancer ou de certaines maladies qui sont liées à des maladies de société, de malbouffe justement, environnementales, eh bien on sait qu'il y a j'en ai pas à l'esprit, mais si vous cherchez sur Internet, vous trouverez qu'il y a effectivement des scientifiques qui, étant donné que l'État, justement, là, on en parlait tout à l'heure, ou, à avoir ou non un État-nation et pas au service du patronat, c'est ce qu'a voulu dire, je pense, le jeune homme, l'État se désengageant, ce sont les fondations privées, voire les lobbies économiques, les multinationales, qui payent maintenant les scientifiques, et ça, je vous le dis pas, c'est pas d'idéologie, ça a été prouvé, hein. Qui payent les scientifiques, pas tous, hein, tous ne sont pas encore achetables, heureusement, pour pouvoir faire des études, des études, des statistiques qui vont aller dans le sens de ce que veulent, de leurs propres intérêts. Voilà. Donc c'est quand même assez grave et ça s'exerce sur plein de domaines, sur les maladies, comme vous avez dit, sur la nourriture. Peut-être tu as d'autres exemples. La production. Voilà, la production diesel, etc. On pourrait faire d'autres voitures qui seraient beaucoup plus économiques et moins nuisibles à l'environnement, mais on ne fait pas ça parce que ça sert des intérêts privés. Et c'est vrai qu'il faut aussi se mobiliser. Vraiment, faites des recherches sur Internet, on en trouve quand même. Il faut se mobiliser sur ce problème des scientifiques qui, de plus en plus, sont inféodés au grand capital. Non, je voulais dire que j'étais pas d'accord avec l'intervenant avant là. Est-ce qu'on peut dire que les mathématiques c'est politique? Est-ce qu'on peut dire que la physique est politique? Non, en tant que telle, en tant que science, les mathématiques ne sont pas politiques. C'est l'utilisation qui en est faite par les pouvoirs. Et la biologie, la biologie en tant que telle. N'est pas politique. Par contre, si vous avez un lobby qui recrute des biologistes pour faire des recherches dans un sens précis pour pouvoir ensuite inventer des maladies, à la suite de ça, inventer de nouveaux médicaments, oui, ça en devient politique. Mais en tant que science pure, la science pure n'est pas politique. Après, c'est l'utilisation qui en est faite. Bon, alors, je voulais parler, pour aller dans votre sens, effectivement, là, j'ai entendu une émission à la radio, là, ce matin, il y avait un psychiatre qui disait que on s'est retrouvé, là, il y a à peine un an, avec une nouvelle classification des maladies psychiatriques, hein, où se trouvent d'un seul coup à peu près 800 000 personnes qui sont soi-disant d'un seul coup atteintes d'un certain type de maladie. Pourquoi? Parce que l'industrie pharmaceutique invente des médicaments pour des gens qui n'en ont pas besoin. Et on invente une maladie de type soi-disant psychiatrique, enfin un peu, dont 1 million de personnes en France seraient atteintes, hein, mais tout simplement parce qu'ils ont estimé le marché à 14 milliards de dollars. Donc ça, oui, ça c'est une utilisation politique de la science. Voilà. Alors, je suis désolé, je prends la dernière intervention et on va laisser la parole à Né, on est déjà en retard. Même si la question intéresse beaucoup, mais je suis désolé, il y a tout le monde veut s'exprimer et on va devoir... On va remettre la question, voilà, on la retraitera vraiment un autre jour parce qu'apparemment elle intéresse, donc voilà. Bah, pour reprendre la question vraiment mot à mot, moi je dirais que la science, elle est indépendante de la politique. Si tu décides d'être un scientifique indépendant, tu peux le faire, mais il faut que tu aies beaucoup d'argent et que tu aies beaucoup de motivation et que personne t'écoutera. Et si tu es recruté par des hommes politiques parce que tes idées les arrangent, ils vont te recruter, ils vont te donner beaucoup d'argent, ton idée va plaire à ces gens-là. Et tu vas être diffusé. Voilà, moi je pense que tout simplement ça marche comme ça. Ok, merci beaucoup. Désolé, franchement, en plus la dame n'a pas parlé, donc je peux pas te faire parler avant, par exemple. Tu vois. Donc du coup, on va laisser.